De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet connu de tous, en tout cas de tous ceux qui ont eu l'occasion de séjourner au bord de la mer, les maris. Par contre, rares sont ceux qui connaissent la portée réelle de ce phénomène qui s'étend jusqu'aux confins de l'univers. Donc, pour nous expliquer ce phénomène partout où il se manifeste, nous avons au téléphone Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonjour François. Alors Jean-René, les marées, c'est le processus de variation du niveau de l'eau dans la mer ou dans les océans, ou encore dans un cours d'eau comme le fleuve Saint-Laurent à Québec, qui est causé par un mouvement cyclique ascendant puis descendant de l'eau. Et quand on se fait prendre par la marée montante, mais on réalise aussi que c'est un phénomène qui peut être impressionnant par sa vitesse et son ampleur. Alors Jean-René, qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène physique qu'est les marées? Donc, je pense que la plupart d'entre nous savent qu'il y a une relation entre la Lune, un peu moins avec le Soleil, de l'effet de marée. Et en fait, on va parler souvent de force de marée, cet effet qui soulève les eaux de part et d'autre de la Terre, qui crée une espèce d'élongation qui est responsable de cette montée et descente, comme vous l'avez bien mentionné. Et qui est cyclique également. En fait, la marée est tout simplement un effet secondaire de la gravitation. Si la Terre était toute seule dans l'espace isolé, on n'aurait pas de marée. L'eau et tout ce qui est sur la Terre serait attiré également par la masse de la Terre. Okay. Et ce qui fait qu'on a un effet de marée, c'est qu'on se trouve avec la présence d'une compagne, la Lune, et aussi du Soleil. La Lune tourne autour de nous. Nous, on tourne du Soleil. Mais en fait, il n'y a pas une déconnexion complète. La Lune exerce aussi une force de gravitation. Mm-hmm. Le Soleil exerce une force de gravitation. C'est la raison pour laquelle on tourne autour du Soleil. Mais pour les objets sur la Terre, comme nous, l'eau et tout objet qu'on peut lancer en l'air, l'effet principal est l'attraction gravitationnelle de la Terre. Mais vu que la Terre n'est pas un petit point sans dimension sur lequel on serait individu microscopique, mais plutôt un globe de 12 000 km de diamètre, si la Lune est d'un côté, la Lune va en quelque sorte tirer vers elle les objets à la surface de la Terre. Et d'une certaine façon, dans sa direction, et les objets qui sont dans la face opposée, la face cachée de la Terre par rapport à la Lune ou du Soleil, vont être tirés un peu moins par rapport au point central de la Terre. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'effet différentiel de marée, et qui va faire que des objets qui peuvent bouger, qui ont une certaine fluidité, vont se déplacer dans cet axe Terre-Lune ou Terre-Soleil, et quand les deux se combinent dans l'alignement aux nouvelles lunes ou aux pleines lunes, l'effet se cumule. Et en moyenne, l'effet différentiel est dû de marée est dû à peu près un facteur 2 à la Lune et un autre facteur de 1, à peu près la moitié au Soleil. Okay, donc l'effet est proportionnel au cube de la distance, même si la Lune est beaucoup moins massive que le Soleil, étant 5 fois plus proche, son effet plus important pour la marée. OK. Donc, finalement, la Lune, c'est l'astre qui, en fait, a le plus d'influence finalement sur ce phénomène. Disons 2 fois plus que celui du Soleil. Mais si on était beaucoup plus proche du Soleil, comme Mercure et comme Vénus, l'effet de marée du Soleil serait extrêmement important. Oui, c'est vrai, c'est un fait. Ouais. Et ça implique aussi un phénomène qui est la rotation de la Terre aussi pour qu'il y ait des marées, n'est-ce pas? Absolument. La Terre tourne, donc l'eau, vous pouvez imaginer comme ce gonflement, reste étiré dans la direction de la Lune et du Soleil, selon leur combinaison, ce qui va amener une variation de la hauteur des marées. Et l'effet ne s'exerce pas seulement sur les eaux, mais aussi sur la croûte terrestre, qui est pas la Terre n'est pas absolument rigide. Donc, même la croûte terrestre va subir cet élongement, donc il y a une espèce de marée qu'on ne sent pas vraiment, de l'ordre d'à peu près 1 demi-mètre, alors que la marée des eaux, qui est un fluide plus facilement étirable, est de l'ordre du mètre en moyenne, mais il y a des effets locaux, comme on le voit bien à Québec, qui peuvent pousser l'amplification de la hauteur des marées à quelques mètres, même plusieurs mètres. D'ailleurs, oups, je pense qu'on a... OK. Alors, aujourd'hui à Québec, j'ai remarqué que la marée était haute ce matin à 9h18 avec une hauteur de 4,2 mètres. Et sera haute ce soir à 21h27 avec une hauteur de 15,4 mètres. C'est quand même pas mal plus, là. Oui. Alors, on voit qu'il y a un décalage d'un peu plus de 12 heures à peu près entre les marées successives. Quelle est la fréquence journalière des marées? En fait, une marée va un peu comme la Lune. Si vous regardez le lever de la Lune ou le coucher de la Lune, il se produit à peu près toujours une heure plus tard chaque jour, parce que la Lune tourne autour de la Terre et elle est l'effet dominant pour les marées. Donc, les marées vont aussi un peu s'aligner, leur enflement s'aligne avec la position de la Lune principalement. Et, bon, évidemment, les heures changent à chaque jour puisque c'est une heure de décalage. Oui. Et, en fait, est-ce que aussi le fait que les positions relatives du Soleil et de la Lune jouent, bon, par exemple, quand la Lune et le Soleil sont à 90 degrés l'un de l'autre par rapport à la Terre? Oui. L'effet joue en effet. Si les deux sont alignés, l'effet va être beaucoup plus grand. Mais l'effet peut être encore plus important ou aussi important est le fait que la Lune a une orbite elliptique de 300 000 km à 400 000 km. Donc, la Lune peut se retrouver relativement plus proche. Et cet effet-là, à cause de la variation ou de l'effet de marée qui est proportionnel à l'inverse du cube, la distance. Donc, cette variation de la distance relative de la Lune va avoir un effet sur l'amplitude des marées. Et il y a aussi d'autres effets, comme les effets météorologiques, comme on le voit ces jours-ci. Et, en fait, à l'occasion, on entend parler aussi des grandes marées. Qu'est-ce qui fait qu'à l'occasion, il y a des grandes marées, il y a des marées plus forte que d'habitude? Il y a deux choses. Les effets dont on a parlé, les alignements Terre-Lune-Soleil, dépendant de leur géométrie. Aussi, comme je l'ai dit, si vous alignez la Terre, la Lune et le Soleil, et si cet alignement se fait lorsque la Lune est à son point le plus proche de la Terre. Donc, périgée, ça aura un effet d'amplification important. Et à ça, si vous ajoutez les effets météorologiques qui sont importants au printemps et à l'automne, c'est-à-dire qu'une zone de très basse pression sur le golfe du Saint-Laurent, donc l'air pèse moins sur l'eau. Donc, on va avoir une espèce de gonflement de l'eau qui va nous arriver. Et ici, à Québec, on a cet effet spectaculaire d'entonnoir à la hauteur de l'île d'Orléans et à la hauteur de la ville de Québec. Et d'ailleurs, j'imagine aussi, si le passage de la Terre est à son périhélie, c'est-à-dire à son endroit où l'orbite est le plus proche du Soleil, ça doit aussi favoriser... Assez peu, parce que l'orbite terrestre est plutôt... elle est elliptique, mais elle est plus proche d'un cercle. Donc, cet effet-là est minime. OK, je comprends. Et est-ce qu'il y a des périodes qui sont propices dans l'année aux faibles et aux grandes marées? En fait, tout varie. Généralement, l'effet météorologique sera l'effet déterminant pour nous qui vivons à Québec. Okay. Et dans la plupart des régions du monde aussi, le fait qu'il y aura, même si vous êtes en plein milieu du Pacifique, où les marées ont une amplitude relativement faible à cause qu'il n'y a pas de plateau continental, ce seront des effets météorologiques très basse pression, où l'eau a moins de poids sur elle et va tendance à lever plus facilement. Oui, je comprends. Et au solstice ou aux équinoxes, c'est pas des périodes qui sont favorables plus souvent qu'à l'autre? Non, pas nécessairement, non. OK. On sait aussi que le Canada est un pays au monde où on observe les plus hautes marées du monde, n'est-ce pas? En effet, Québec est un bel exemple quand même. On atteint parfois, surtout quand les gens dans le Vieux-Québec se font inonder, ou même du côté de Lévis, les plus grandes marées atteindront presque 10 mètres dans certaines régions comme la Nouvelle-Écosse, la baie de Fundy. Beaucoup d'endroits où vous avez une espèce de resserrement et l'océan peut s'y propager. En fait, vous allez avoir assez souvent de grandes marées d'amplitude élevée. En fait, c'est que ce que vous pouvez imaginer, c'est que le niveau des océans va monter d'un mètre ou quelque chose, mais cette vague va déferler lentement. Et si vous avez un plateau continental, donc c'est une masse d'eau importante, et si la profondeur marine diminue tout d'un coup, cette eau-là va en quelque sorte construire une vague. Et si vous remontez un canal étroit comme le Saint-Laurent à la hauteur de Québec, tout ça fait cet effet d'entonnoir qui, au lieu d'avoir une marée qui devrait être normalement d'un mètre, va être de plusieurs mètres. Et c'est ce qui se passe aussi, je pense, dans la baie de Fundy avec Exactement, une marée de 18,5 mètres. Et il y a des endroits aussi en Europe ou en Asie qui ont ces effets de marée importants. Étonnamment, comme vous le disiez tout à l'heure, le phénomène des marées n'est pas limité qu'aux eaux. En fait, la couche terrestre se soulèverait davantage au passage de la Lune. On dit même que ça affecte la longueur du grand collisionneur électron-positron au CERN en Suisse, là où on a prouvé l'existence du boson de Higgs. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que dans le fond, la croûte terrestre, c'est pas liquide, ça? En fait, je connais pas les détails, je trouve ça intéressant, mais ça me surprend pas tout à fait. Si vous avez des structures qui doivent rester à un niveau extrêmement bien défini, comme le grand collisionneur a un diamètre de 30 km, disons, je ne me souviens pas des chiffres exacts. Et si vous avez tout ça, vous soulevez par la force de marée cette zone-là terrestre, et naturellement, à cause que vous avez affaire à la croûte terrestre, tout ça ne se fait pas d'une façon tout à fait égale à cause des résistances des matériaux de la Terre, et vous devez probablement tenir compte de l'effet de marée. Ça ne me surprendrait pas du tout que ce soit le cas. Oui, en fait, on disait que ça change plus ou moins de 40 cm, ce qui est quand même mesurable là, à l'échelle humaine. Oui, en fait, je ne sais pas à quel point, par exemple, la propagation du faisceau sera affectée, sûrement pas de 40 cm, mais il y a sûrement des effets qui peuvent être importants quand vous travaillez avec de très grandes précisions. Oui, c'est un fait. Et si la Lune exerce un effet de marée sur la Terre étant beaucoup plus grosse que la Lune, doit aussi exercer un effet de marée sur la Lune? Absolument, et d'ailleurs, cet effet-là a été si important que ça l'a conduit à la dissipation du moment angulaire de la Lune qui maintenant fait un tour sur elle-même en présentant toujours la même face à la Terre. Et c'est un effet direct de l'effet de dissipation d'énergie que produisent les marées. Donc, il n'y a pas d'eau à la surface de la Lune qui va faire le frottement, mais à l'intérieur, quand la Lune était jeune, il y avait une liquéfaction et il y avait une espèce de frottement qui se faisait avec la masse qui était plutôt étirée dans une certaine direction. Et cela a freiné la rotation de la Lune pour qu'elle se fige dans une rotation qui est égal à sa période de révolution autour de la Terre. Et on peut imaginer que dans un des milliards d'années, si la Terre continue à exister aussi longtemps, que la Terre aussi, parce qu'elle est sujette aux marées de la Lune, comme vous venez de le dire, la Terre aussi perdrait du moment angulaire. Donc, la Terre tournerait de moins en moins vite sur elle-même et présenterait toujours la même face à la Lune. Là, on va aller dans ce qui est un petit peu plus insolite. Il semblerait aussi que l'effet de marée des grosses planètes comme Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune broie les objets qui se trouvent qui se trouvent trop proches et qui amèneraient la formation d'anneaux autour des planètes. Est-ce Exactement. C'est l'autre dimension de l'effet de marée. Toujours cet effet de gravitation différentielle. Donc, vous n'êtes pas un point, mais à la surface d'un globe, la partie la plus proche va être tirée plus fortement vers le gros objet qui vous attire, disons une lune de Saturne par rapport à Saturne, et la face plus lointaine de cette petite lune va être attirée moins loin. Donc, vous avez une espèce d'étirement. De tension, finalement, c'est ça. Et si l'objet s'approche de la Lune, l'étirement va devenir très considérable, au point, un endroit, le corps va éclater, littéralement se disloquer et être réduit en fragments. Et on pense que, justement, les anneaux de Saturne sont le résultat de petits corps qui ont été sujets à des forces de marée considérables pour les disloquer, les faire se fragmenter. Et il y a une espèce de rayon bien connu, une distance bien connue, qui s'appelle le rayon de Roche. Ça n'a rien à voir avec des roches. C'est le nom d'un mathématicien français, M. Roche, qui a développé toute cette théorie et qui est très importante en astrophysique. Des corps qui se rapprochent trop vont se briser, se fragmenter. Et c'est l'origine des anneaux de Saturne et des anneaux qu'on trouve autour d'autres grandes planètes moins connues qu'on a découvertes à l'âge spatial. Jupiter, un système d'anneaux. Uranus, un système d'anneaux, de même que Neptune, qui a un système d'anneaux, à cause de la grande masse et le nombre de petits corps qui s'en sont approchés. Il semblerait aussi que l'effet de marée des grosses planètes tord les satellites et garde leur intérieur liquéfié également. Oui, absolument. Donc, on le voit très bien avec la lune de Jupiter Io, qui est la plus proche des grosses lunes, mm-hmm. et qui subit cette espèce de torsion, donc qui finalement chauffe son intérieur, arrive à chauffer son intérieur et qui produit ces fameux volcans de soufre. Dans le cas de Saturne, on connaît une petite lune, Encélade, qui subit un peu, qui est assez loin pour ne pas être fragmentée, mais juste un peu à la limite, et elle qui est une lune de glace, et elle va finalement avoir des geysers d'eau et de glace qui sont émis de façon périodique. Et tout cela, ce sont des conséquences d'étirement intérieur des petits corps qui tournent autour de la planète et qui sont à distance suffisante pour ne pas être broyés, donc au-delà de la frontière de roche que j'ai mentionnée plus tôt, mais qui vont quand même avoir des phénomènes internes qui vont être générés par l'énergie thermique causée par cette espèce de torsion due à la force différentielle d'attraction gravitationnelle d'une face par rapport à l'autre face. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas des étoiles binaires ou encore des trous noirs, par exemple? Oui, dans le cas, donc c'est bien connu, on a beaucoup d'étoiles dans l'univers qui sont des étoiles, des paires d'étoiles. Les étoiles sont en paires. Les étoiles peuvent avoir des planètes, mais on peut avoir des systèmes à deux étoiles. Donc deux trois soleils étoiles. Qui tournent un autour de l'autre, quoi? Autour de leur centre de masse commun. Ah, okay. Et certaines de ces paires d'étoiles sont relativement proches, très proches, au point d'avoir des effets de marée réciproques qui les déforment. Donc, vous pourriez imaginer, si vous les voyez dans un télescope hyper puissant et vous étiez sur un petit satellite proche de ces paires d'étoiles, vous les verriez tourner l'une autour de l'autre, paraissant comme d'immenses gouttes étirées. Donc, chaque face qui fait face à l'autre, la matière ou l'enveloppe est étirée. Dans certains cas, même, vont développer une enveloppe commune. Et dans des cas où l'atmosphère va subir une certaine évolution, ça peut être aussi un mécanisme qui va transférer de la matière d'un objet à l'autre. Et ça peut avoir des conséquences assez spectaculaires. Et même les galaxies génèrent des marées qui s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres. Oui, donc on parle d'étoiles, mais en effet, c'est toujours, rappelez-vous, la force de marée n'est qu'un, on appelle la force, c'est un effet, est un effet secondaire de la gravitation, du fait que vous avez pas un seul corps qui attire ses propres objets, ses propres constituants, mais cette force de gravité est la dominante, mais elle est perturbée par la présence du compagnon ou de la compagne qui exerce aussi une force d'attraction qui modifie. Et si les deux objets, encore une fois, s'ils sont trop proches, dans le cas de galaxies qui font passer proches l'une de l'autre, c'est un phénomène qu'on observe régulièrement. Donc, vous avez là des systèmes de 10 milliards, 100 milliards d'étoiles qui finalement passent l'un près de l'autre et ils vont subir, exercer l'un sur l'autre des forces de marée considérables. Et ce sera le résultat en sera une distorsion, une déformation et même un arrachement de millions ou de milliards d'étoiles surtout de la plus massive qui va prendre la matière de la moins massive et peut-être même la faire se fusionner dans l'équivalent d'un satellite qui est capturé par Saturne. En effet, et le résultat, on le voit dans le ciel quand on observe des galaxies qui sont en interaction, on va parler de ce qu'on appelle des queues de marée qui sont en fait les effets d'arrachement par effet de marée du passage de galaxies l'une proche de l'autre. C'est vraiment très, très intéressant. C'est même donc, la marée, et c'est pas juste dans le Sub-Saint-Laurent, non. Ni dans la baie de Fundy, c'est un phénomène universel qui est une conséquence de la force d'attraction gravitationnelle différentielle. Découverte par Isaac Newton. Absolument. Et qui n'avait certainement pas saisi la portée de sa découverte en 1684. Sauf qu'il avait justement, il disait qu'avec ma théorie, j'explique les marées. Donc, probablement pas qu'il avait imaginé la portée universelle de son concept. Alors, merci infiniment, Jean-René Roy, pour ce voyage fascinant dans l'univers. Un grand plaisir. On vous retrouve à Futur Simple le 8 janvier, je crois. Exactement, oui. Allez, et bonne fête à tout le monde. Et on pourra peut-être revenir sur les allées venues de Rosetta, là, qui commence à nous livrer de beaux résultats. Très bien. Merci encore beaucoup et de joyeuses fêtes à vous aussi. OK. Et à tous nos auditeurs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons passer en pause publicitaire sur CKRL au 89.1 et après, on vous revient.